avons deux invités dans les studios qui sont venus pour parler de la fête de la Saint-Jean. Je vais les laisser se présenter. Donc c'est à vous. Allez, on va l'embêter un petit peu. Et oui, Manu, nous sommes venus te tenir compagnie et en même temps travailler un petit peu ici à la radio et mettre toute notre paperasse à jour. Ça veut dire que nous sommes quelques membres du conseil d'administration. Donc, présidente, vice-président. Et adjoint. Et voilà, qui est présent, surtout le responsable de la commission des fêtes. Bon, mais les titres, c'est pas ce qui compte. Tout à fait. Ce qui compte, c'est que la radio avance. Et comme cette fête qu'on a passée ce week-end, donc c'est ça qui fait avancer le Schmilblick, comme on dit. Alors oui, ce qui fait avancer le Schmilblick, comme tu dis, effectivement, c'est la fête, mais c'est surtout de voir ce parc rempli de personnes. Et que samedi soir, je pense qu'on a, comment dire en portugais, foi casa cheia. Et c'est ça le plus important pour notre radio, parce que notre radio le mérite. Et tout le travail qu'on a à longueur d'année, et voir ce parc se remplir, que ce soit le samedi ou le dimanche, pour nous, c'est ça la récompense. Et quand même, 90%, c'est grâce à la communauté. Moi, je dirais même 99%, c'est grâce à la communauté portugaise, n'est-ce pas, Manu? Bah, tout à fait. Hein. De toute façon, s'ils ne viennent pas à nos spectacles, ça n'a plus de sens. Quoi. Donc, ils étaient présents. C'est vrai que le samedi soir, et même le dimanche, mais surtout le samedi soir, ils étaient présents, ils ont répondu à notre appel. Et pour ça, on peut les remercier hein, de cette déplacée. Il faudrait qu'ils soient présents dans tous les spectacles dans de Radio Arc-en-Ciel. Bien sûr, bien c'est sûr. C'est ça que ce serait mais, merveilleux. Et nous, ça nous fait plaisir. Ça nous donne même envie de continuer, de refaire pareil l'année prochaine. Quoi. C'est grâce à eux si on avance. Hein. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a innové. On a innové avec plein de belles choses. Mais pour qu'on puisse innover et continuer cette innovation, pour qu'on puisse continuer dans le même sens, effectivement, il faut qu'on vous ait à côté de nous. Que ce soit en termes de bénévoles, que ce soit en termes de sponsors, que ce soit en termes de public et d'auditeurs, bien sûr, parce que voilà, nous avons amélioré une scène, nous avons amélioré tous les stands présents, des tables, des chaises, des tenelles. Tout ça, c'est un coût pour notre radio, mais pour vous aussi. Parce c'est que un coût, il y a un boulot immense. Parce que ça ne vient pas que de pour vous le voyez deux jours, mais nous. C'est des semaines et des semaines, on va dire. Ouais, c'est pas. On ne sait plus compter, nous, à ce rythme-là. On sait compter ce qui rentre dans notre radio, pour un point très positif. Mais après nos heures, je crois qu'on ne les compte pas. On ne sait pas compter les heures qu'on passe ici. Mais en tout cas, c'était un week-end, comme vous avez dit, à remercier surtout tous les gens qui étaient présents. Hein. Tous les gens qui étaient présents, tous les gens aussi grâce à qui on a pu faire cette fête. Hein. Faut pas oublier les bénévoles, nos sponsors aussi. Sans eux, il n'y aurait pas de spectacle. Il n'y aurait pas de spectacle. La radio toute seule, elle est rien en fin de compte. C'est pas 6, 7 ou 9 personnes qui peuvent faire ce genre de spectacle. Donc moi, je dis un gros chapeau, je tire mon chapeau à tous les bénévoles. Surtout, je pensais aux gens qui étaient aussi à faire les grillades. Je les ai vus, j'ai été les voir plusieurs fois. J'avoue sincèrement que c'est vraiment 2 jours à tenir. Ils me faisaient pitié, mais ils ont tenu le coup. Et à savoir, parce que c'est une question que j'ai dû répondre à plusieurs personnes sur le parc. Moi, personnellement, peut-être que vous aussi, vous avez dû répondre à cette question. Et effectivement, il y a des gens qui nous ont demandé, est-ce que c'est cuit sur le moment? Oui, c'était cuit sur le moment. Ouais. Les criades, les sardines, les poulets. Tout est fait à l'instant, c'est pas fait la veille, ni voilà, rien. Ouais. C'est ça. C'est ça notre une grande spécialité de chez nous, qui est vraiment... On cuit à l'instant T. On commence nos grillades dans le coup de 18 heures. Et c'est vrai que les voisins nous disaient que ça sentait bon et que c'est là que ça leur faisait venir à notre part. Et effectivement, c'est un travail immense parce qu'il faisait excessivement chaud. Ouais. Et moi, je tiens à préciser que tout ce qui était grillade, c'est pas du congelé, hein, c'était du frais. Hein. C'était du cuit sur place. Et du cuit sur place. Donc voilà. On tient à remercier la météo, hein, là-haut. La météo, bien sûr, oui. Parce que tout dépend. Alors l'année dernière, un petit peu moins de chance. Et cette année, c'était peut-être un peu trop, mais on préfère comme ça. Aussi remercier les gens qui étaient en cuisine. Faut pas les oublier aussi, parce que c'est pareil, il faisait assez chaud là-haut. Et donc, ils ont fait un super travail. Et ainsi que les autres, au bar, au ticket, toute l'organisation. Je leur dis encore une fois un grand merci pour leur aide, quoi. Et aussi nos exposants. C'est vrai qu'on essaye d'en ramener des nouveaux tous les ans, ou même il y en a qui sont là depuis longtemps. Et c'est ce qui donne ce air de fête dans notre parc, c'est d'avoir des exposants qui viennent montrer leur entreprise. Et ça, c'est c'est aussi notre image. Et puis on a le choix, on a les voitures, on a le café. Le café, on se croyait au Portugal. Hein. Ouais. Même la fête, on m'a dit, c'est une fête comme au Portugal. On m'a dit plusieurs fois, on se croirait au Portugal. Suivant au Portugal, il n'y a pas le café dans le café. Que là, on a le café sur place. Les gens, le café portugais, bien c'est vrai. Café portugais, c'est vrai. On tient à remercier ce. En plus, il était là. Il a fait aussi du bon travail aussi. Ouais, c'est vrai. Alors merci lui et puis bien sûr, je crois aussi qu'il y avait son épouse, je crois, qui nous a aidés, ainsi que sa fille. C'est ce qu'on dit, c'est ça la famille Radio Arc-en-Ciel. On est sponsor, on est exposant, on est public, on est bénévole, on est adhérent. C'est ça être une famille unie. Et il faut dire qu'il nous a offert le café. Hein. Il nous a offert le café, le sucre, les gobelets, son travail, sa machine. Et son épouse. Tout le monde était là. En tout cas, c'était sympathique. Après, ce qui était, moi personnellement, ce qui m'a le plus marqué, ce que je retiens de cette fête, effectivement, c'était la chaleur qui était là et qui était la bienvenue. Malgré qu'il a fait chaud, on a pu faire la fête comme on a pu. Mais moi personnellement, ce que j'ai retenu, c'est la scène. La scène était magnifique, que ce soit le samedi soir, que ce soit le dimanche. C'est une valeur sûre pour notre fête. Et tous les artistes ont donné du leur, mais ce qui m'a vraiment marqué, bon voilà, c'est Kappa nous a fait un spectacle formidable, un beau spectacle. C'était un spectacle de bal, c'était un show. Et d'ailleurs, on les remercie, je les remerciais tout à l'heure, mais on peut leur faire que les remercier pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait, c'était formidable ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, À chaque fois, ils veulent innover. Radio Arc-en-Ciel. Et je crois qu'il y a eu des innovations exprès pour ce jour-là, pour Radio Arc-en-Ciel. Quoi. Bon, nous, malheureusement, on n'a pas tout vu. On demande un concert en privé, s'il y a des capas qui nous écoutent, parce que nous, la direction, on n'a pas eu le temps. Donc, les capas, si vous nous entendez, on a besoin de notre concert en privé. Un petit repas pour les bénévoles. Je pense qu'on peut retrouver des vidéos, je crois, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont mis des vidéos. Et après, il y a quelqu'un aussi qui m'a un petit peu marqué, c'était au Jourbronche, parce que c'est là qu'il y a ce terre de fête vraiment du Portugal. Je ne dis pas que les autres chanteurs n'ont pas apporté leur touche personnelle bien portugaise, mais c'est des petites choses comme ça qui nous touchent au plus profond et ça a bien marqué notre fête. D'accord. En tout cas, moi, ce qui m'a plus plu, c'était le samedi soir, sincèrement. Ah là, il y avait. Quand je regardais ce parc plein, on ne pouvait pas bouger. On avait du mal à s'enfiler au milieu des gens. Et ça me faisait la chair de poule, comme on dit. C'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. Alors, c'est vrai que dans la journée, il a fait tellement chaud que les gens sont sortis le soir pour essayer de trouver un peu de fraîcheur. Et puis, bon, voilà. Ils sont voilà pour nous c'était merveilleux de voir ça. Le dimanche il y avait du monde. Il y avait du monde soir. En plus ils étaient éparpillés un peu sur les arbres, enfin un peu partout. Mais c'était. Je vous propose d'écouter justement un titre de Kappa Negra, Nós Somos Iguais. Et on reprendra juste après, oui. Si vous voulez. Tout à fait. E é preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Amigo, podes crer que eu farei tudo por ti. Já deu para estás a meu lado, como sempre. Amigo, podes crer que eu farei tudo por ti. Já deu para entender que é on revient à notre fête de la Saint-Jean, on va continuer à en parler un petit peu avec nos invités, avec Christine et Lionel. Enfin, c'est, on est des habitués de la radio. Oui, de des habitués, radio. Je dis des invités pour, dans mon programme, mais c'est vrai que vous êtes là en même temps tu que moi. Tu nous as invités, on s'est imposé. Non, vous êtes là depuis cet après-midi, donc j'en ai profité pour vous faire parler. Parce que je sais que vous aimez bien parler à la radio. C'est vous, vrai, vous, vous êtes à l'aise. Vous. Je t'avoue sincèrement, sans venir ici, oui, on aime bien, parce qu'il faut mettre à jour certaines choses, mais le plus important, c'est faire une émission de radio. Ouais, mais vous, je vous êtes des, comment dire, des vieux de la vieille, vous êtes à l'aise, vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous dites. Moi, je suis qu'un débutant et... Mais ça va venir, Manu. Oui, je pense, un jour, oui. Peut-être pas trop, pas trop tard quand même, mais bon, ça viendra sûrement un jour. Ça va accélérer un petit peu, hein. Oui, bah, faut que vous me laissiez aussi le temps, faut me laisser tranquille quand je fais mon émission. Faut pas venir à chaque fois me chercher. Mais bon, ouais, ça... C'est que t'es indispensable. Non, non, personne n'est indispensable. Bon, donc on continue donc à parler de la Saint-Jean. Donc bah, on a commencé le samedi soir, hein, tout, le vendredi soir, mettre des appareils dans le terrain. Le samedi matin, c'était là, monter tous les stands, enfin les barnums, les cuisines. Il y a eu un petit métier, que bon, effectivement, moi personnellement, je n'ai pas participé. J'ai l'impression que je n'ai pas de micro, ouais. Monsieur Manu. C'est bon. Ah, je crois que c'est un petit peu. Ouais. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. Excuse-moi, je t'avais pas. Donc, comme je disais, effectivement, le vendredi soir, on a déjà commencé, mais nous, cuisinières, on commençait aussi le vendredi soir parce que c'est là qu'ils ont préparé toutes les viandes, parce que un barbecue se prépare à la On est parti, t'es presque une heure du matin en plus. Une heure du matin, oui, tout à fait. Mais j'avoue sincèrement que si même nos bénévoles, hein, quand on les appelle pas. Ils apprécient pas parce qu'ils aiment être là. Ils aiment travailler pour cette radio. Et c'est tout vrai à fait. C'est... Ouais, tout à fait. Donc comme c'est ce que je dis, donc tout le monde est le bienvenu, mais bon, faut que ça soit dans une bonne organisation. Donc on peut pas tout mettre fait. Tout le monde au même endroit. Quoi. Ça demande une organisation, tout ça. Tout à fait. On préserve donc les familles pour que on travaille dans une bonne ambiance, que ce soit bon enfant, que ce soit agréable en même temps, mais avec une rigueur très importante. Parce que effectivement, on a tout de même des gens à servir et qu'ils ne soient pas déçus. Et ça, c'est le plus important. Dans les règles d'hygiène. Enfin, on essaie de. On essaie de faire du mieux qu'on très peut avec ce qu'on a. D'hygiène et de sécurité, parce que nous avons quand même une commission de sécurité de la part de la mairie de Fleury-les-Aubrais qui passe avant la fête. Pour voir si tout qui est valide, conforme. Oui, qui vient valider toute la préparation, tout à fait. Oui. Tout à fait, il y avait des petits points lorsqu'ils sont arrivés, notamment tout ce qui est exceinteur, sécurité et assurance, savoir si tout est conforme, et seulement là, la fête peut s'ouvrir et peut partir du bon point. Ah oui, c'est pas ça, on arrive là, on impose. Et cette année aussi, on a essayé de faire plaisir, on va dire ça comme ça, c'est de mettre plus de barres pour justement protéger du soleil ou de la pluie, parce que le temps, nous, quand on prépare une fête comme ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, le temps qu'il va faire. On le sait à la rigueur une semaine à l'avance, quoi. Et on tient à remercier ce jeune homme qui nous a emmené tous ces barres hein, c'est Oui, un jeune homme qui, ça fait 2 ans de suite, et franchement, oui, il nous aide beaucoup avec le prêt justement de ces barres d'hommes. Il y a il d'autres personnes. Prête, il vient nous les monter, il vient les nous emmener, les monter, tout ça. Démonter. Voilà, il y a eu d'autres personnes. Il y a bien sûr, il y a lui, il y en a d'autres qui nous ont prêté aussi. De toute façon, la radio, elle peut pas acheter tout à elle. Elle ne peut pas. Il y a des entreprises qui ont été là de vendredi, samedi, dimanche, lundi. Moi, je leur tire mon chapeau. Des entreprises aussi qui sont venues dès le vendredi. Ils ont été là le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi pour nous aider à démonter. Bah, donc, heureusement, parce c'est que... des gens. Bon, parfois, vous voyez, il y a des petites choses qui se passent comme il manque un fil, il manque une ampoule à la dernière minute. Et ben voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui va chercher, il y a quelqu'un qui se disponibilise comme une benne. Voilà les bennes, on a trouvé. Voilà, grâce à une entreprise orléanaise, effectivement. Une entreprise portugaise, bien sûr. Il s'est levé au petit matin, il s'est dit je vais aider notre radio. Voilà, un petit coup de fil, on l'a appelé, il était pratiquement aussitôt, il était là. Donc c'est ça, en fin de compte, vouloir aider la radio, c'est ça, en fin de compte. On appelle, il sait que c'est pour la radio, il est venu. Il est venu tout de suite nous emmener la benne parce que, bon, il y a eu un petit loupé. De la part. Bon, mais bon, ça s'est arrangé après, quoi. De toute façon, une fête comme ça, il y aura toujours des petits trucs qu'on essaiera d'améliorer à chaque fois, quoi. Que le public ne s'en rend pas compte. Ne s'en rend pas compte, mais nous, on s'en rend compte. On ne laisse pas paraître. Oui, voilà. on devient des pros, finalement. Voilà, ce qui compte, c'est que ça s'est bien passé. Donc, encore une fois, merci à toutes les entreprises qui ont participé aussi, justement, à monter et à démonter l'électricité, que ça soit. Je sais pas, moi, il y a eu plein d'entreprises qui étaient là pour nous aider, quoi, des échafaudages, nous apporter des échafaudages aussi. Et oui. Donc voilà. Il faut dire que nos spectateurs, ils sont chouchoutés aussi, hein. Tout à fait. Bah oui. Même les plus petits. Les grands, les petits, bah les chapeaux, les petits cadeaux, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est un investissement énorme. Donc pour avoir tous ces. Justement, j'ai eu la réflexion d'un couple sur le parc qui m'a dit. Je vais m'exprimer en portugais. Ça vient pas gratuit, tout ça, c'est. Et non. Et ben justement, ce monsieur vient me voir et puis il me dit en portugais, parabéns, linda festa, mas é normal, vocês estão a trabalhar para vocês. Et là, je lui dis, non, para nós. Sim, para vocês. Il dit, non, eu trabalho tanto para mim como para si. Le monsieur n'a pas compris sur le coup, il me dit, non, Cristina, la radio est vôtre. Je dis, non, la radio est nossa. La radio est de la communauté portugaise et para quem ajuda a nossa radio. On est resté un bon moment à parler parce que monsieur ne comprenait pas pourquoi je lui disais ça. Il dit, mais non, la radio est sua. Sinon, la radio est une association qui pertient à la communauté portugaise, sauf que nous, membres du conseil d'administration, ajudamos, estamos à faire com que esta radio continue. Mais la radio pertence à la communauté portugaise de notre région. Et là, il m'a dit, então quero ser sócio. Não tinha compreendido o que era a vossa associação. Eu disse, não, a nossa associação. Et là, c'est là qu'on a un nouveau couple qui est adhérent. C'est grâce à ça, parce qu'il ne comprenait pas ce que c'était que notre association. Et voilà. On l'explique peut-être pas assez à l'antenne. Non plus. Voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que cette fête, elle nous coûte de plus en plus cher, parce qu'on nous impose beaucoup de choses qu'on ne nous imposait pas avant. La sécurité, avant, on ne l'imposait pas. Donc, on a un coût. Nous avons aussi. C'est que les gens étaient moins méchants. Mais non, ils sont tous gentils. Non, on va pas parler de ça, mais je veux dire, il en faut. Donc, on met une sécurité en place. On a une scène qui, avant, on nous prêtait, qui était un peu petite, mais qu'on l'avait gratuitement. Aujourd'hui, la scène, on la paye. Donc, on la paye parce qu'on veut embellir l'image. Voilà, de notre on veut donner radio. Une bonne image. Faut savoir que, et après, le bénéfice, quand il y a du bénéfice de cette fête-là, cet argent-là sert à quoi? Elle sert à faire vivre la radio. Elle sert pas à comme certains vont dire, oui, voilà, il y a des gens qui profitent. Non, elle sert. Faut savoir que la radio, elle tourne toute l'année. Il y a des appareils à changer, on a des locations d'antennes. C'est pour ça qu'on demande. Justement, parlant d'antennes, donc on a eu un gros souci ce week-end qu'on n'a pas pu transmettre notre émission. Ça nous a un petit peu agacé. On s'est beaucoup agacé sur ce point-là parce qu'on n'a pas pu transmettre. D'une part parce que il faisait très, très chaud et le matériel n'a pas tenu le coup. Et c'était dangereux pour notre matériel parce qu'on a essayé une fois, on a grillé quelque chose. La deuxième fois, on s'est dit, on arrête, on ne va pas griller du matériel, ça nous coûte très cher. D'autre part, on n'était pas assez formés. Donc on s'est dit, on va investir dans de la formation et l'année prochaine, on aura le personnel adéquat pour effectivement faire ce travail. Donc on a essayé, on n'a pas pu, on a arrêté. Mais rien ne nous a empêchés de faire la fête. Et je vous invite justement, auditeurs qui ne connaissaient pas les studios de la radio, de venir nous rendre visite. Ils peuvent venir, c'est au 266 Faubourg Bagné, à Fleury-les-Aubrais. Donc nos portes sont le vendredi après-midi, bah, vous verrez la star Manu. Non, pas la star, le débutant, on va dire comme ça, le débutant. Alors comme ça, vous aiderez le dimanche matin, à venir confirmer. Le dimanche matin, toute l'équipe du téléphone sonne. Le samedi matin, Christine. Christine, le samedi matin, matins, le dimanche, c'est Lionel, Alexandre, Katia et puis Jérôme. Voilà. Et donc, tous les matins, vous avez des animateurs. Et en semaine, il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont là la semaine, comme Victor, Lorenzo, Joachim, Jean-Pierre Fortes. Voilà, on ne va pas tous les citer, mais ils sont tous là de toute façon. Et nos amis français, ils peuvent venir aussi. Bien sûr, il y a aussi des animateurs français. À savoir que Radio Arc-en-Ciel a 44 animateurs et 37 émissions. Ouais. Donc, il y a 37 possibilités de pouvoir venir visiter cette radio. Je vous propose de refaire une petite pause. Hein. Très bien, chef. On va se réécouter donc Fernando Martins qui était là aussi le dimanche. Donc on va écouter Fernando Martins avec Duas Marias. Vou escolher destas duas, a da minha simpatia.

Madeira. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Não perca um copo de tinto, um Porto e bagaceira. Não perca um copo de tinto, um Porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, fado vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, fado vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, fado vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, fado vinho, amor e pão. Et on retrouve nos invités pour nous parler encore de la fête de la Saint-Jean. E assim se arrebentou a festa, foi mesmo na arrebentar. Exatamente. Agora já arrebentou tudo, porque já está tudo acabado, tudo quase arranjadinho. Là, on est déjà en train de penser pour l'année prochaine déjà. Ouais, justement, c'est quoi qu'on va prendre pour le mois de novembre comme artiste? Et bien justement, qu'est-ce qu'on fait le mois de novembre? Enfin, c'est l'anniversaire de notre radio. Tout à fait, oui. Ah, nos auditeurs, ils peuvent, sur Facebook, ils peuvent nous donner des noms. Après, qui ils aimeraient voir venir justement à Orléans? Voilà. Moi, j'ai mon idée. Moi, j'aurais vu Tony Carré, mais ce ne sera pas possible. Non, je pense que là... Malheureusement. Après, s'il y a des gens qui sont prêts à nous sponsoriser et à nous aider, tout est possible. Des grosses entreprises. Hein. Il faut des grosses entreprises. Et je sais qu'il y en a qui pourraient le faire. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises d'origine portugaise, luso-descendantes et tout ça. Si chacun mettrait un petit peu... Il n'y a pas besoin, exactement, y a pas besoin de mettre des grosses sommes. Chacun, parce que souvent... Justement, on en parlait encore ce week-end avec les entreprises qui nous suivent. On a 4-5 entreprises qui ne nous lâchent jamais durant l'année. Et c'est vrai que, comme on dit souvent, ils en ont peut-être marre de nous, ils en ont peut-être marre qu'on les sollicite tout le temps. C'est vrai, ouais. Donc, pour ne pas solliciter tout le temps les mêmes. Pour pas que ce soit toujours les mêmes, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Après, on a aussi cette réflexion que les gens nous disent « Rade sem poche mesmo ». Non, c'est pas ça. C'est que... on nous ferme les portes, souvent on va et les gens ils nous disent ah, deixa bien, Aplouane. Après tu relances, les gens ils sont pas d'accord. Mais si... on tape peut-être pas à la bonne porte. Des fois il y a des entreprises qu'on connaît pas forcément et qui voudraient participer pour aider Radio Arc-en-Ciel. Ben ceux-là ils peuvent nous envoyer un petit mail, appeler. Venir nous voir les samedis matin, les dimanches matin, les vendredis après-midi, là où sont les membres de la direction, parce que presque nous, sur tous les membres du conseil, on est presque tous animateurs. Donc ouais, il y a moyen de nous rencontrer. Il y a moyen de nous rencontrer, de venir ici au secrétariat, aussi venir là, on a une secrétaire qui est là normalement toute la semaine. Tout à fait. Après, bon, on peut prendre contact avec des personnes du conseil, quoi. Donc, ou nous appeler, hein, ils ont un numéro de téléphone, on nous appelle, on nous met en contact avec eux. Nous, de toute façon, c'est pour améliorer, parce qu'on l'a vu samedi, quand vous voyez tout ce monde, et le dimanche. Et vous rendez compte, si chacun était bénévole, si chacun était adhérent, on aurait pu faire un Tony Carré. On ferait même mieux. Un euro par personne. Un euro par personne. On ferait même nos installations, on pourrait les améliorer, on pourrait acheter du matériel. On est obligé de demander. Heureusement qu'il y a des gens qui. On crève de chaud ici. Voilà, on a besoin. Une entreprise, par exemple, qui veut nous sponsoriser la clim. Mais vous savez, des fois, il y a des entreprises qui achètent et que ce n'est pas conforme pour leur équipement. Effectivement, nous, c'est plus petit. Peut-être qu'il y a une clim qui a été achetée et laissée dans un couloir. Ben nous, on fait un appel. On peut faire un appel. Aujourd'hui, nos studios ont besoin d'être climatisés. S'il y a une entreprise qui nous entend... On a combien de pièces ? Une, deux, trois, quatre. Oh, on va dire il y a 50-60 mètres carrés en tout. Il y a 60 mètres carrés à peu près. 4 pièces. Hein. Voilà, 60 mètres carrés. Donc, s'il y a une entreprise qui veut nous sponsoriser, peut être aussi en forme de don comme ça, quoi, venir nous installer la clim. La radio a toujours besoin de tout. On a besoin de tout. Ne serait-ce qu'un balai, ne serait-ce qu'un tapis, tout ça, nous, on l'achète. Quand je vois la fête qu'on fait, là, que les gens, ils ont aimé, c'est pas possible. Sinon, quand je vois autant de monde, avec les moyens. On a eu de très bonnes félicitations. Voilà, avec les moyens qu'on a. Mais c'est pas nous qui faisons la fête, c'est les gens. C'est il y aurait monde. Personne, on aurait c'est pu monter le plus beau podium, les plus beaux artistes, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas de moi, fête. Moi, je dis déjà, il faudrait commencer. Alors, moi, je fais encore aussi un autre appel, c'est aux adhérents. Aux adhérents, pourquoi qu'on insiste là-dessus? Parce que c'est 20 euros par an. Ça correspond à quoi? 1,50 euros par mois. 1,50 euros par mois pour écouter. Même pas un café. Voilà. Et vous avez, le matin, vous allumez votre radio. Après, on peut aimer ou pas aimer. Ça, c'est chacun est libre. Mais ils peuvent nous aider à améliorer. Mais ils peuvent tout à fait. Il y a des gens, je vois les nouveaux arrivants portugais qui têm aquele português mais sábio, talvez, mais literário, que nós não temos, porque somos imigrantes, estamos cá todo ano e não temos aquela possibilidade de falar aquele português que havíamos. Essas pessoas também podemos ajudar a falar e a melhorar o nosso português. Também é importante isso. Nos emissões, c'est pas que de la musique. Nous, on met que de la musique parce qu'on n'a pas, peut-être pas, cette truc de faire des émissions un peu plus culturelles dans notre langue. Mais s'il y a des gens qui ont des idées pour ça, on leur ouvre les portes. On leur ouvre la porte. On peut leur dédier une émission. Il y a des trous dans les grilles. Voilà. S'il y a des gens qui veulent faire une émission sur un sujet culturel ou autre chose que de la musique, on est preneur. Hein. Tout à fait. Donc voilà. Donc moi j'insiste beaucoup pour les adhérents. Soyez adhérents de la radio. En devenant aidant de la radio, vous aidez la radio à faire quoi? À faire ce genre de spectacle de fête qu'on a fait. Et durant l'année. Et améliorer les émissions. Et améliorer. Et dans l'année, les trois balles qu'on fait aussi en salle dans l'année. Et justement parce que... pouvoir apporter l'artiste qui leur convient. Et amener l'artiste, voilà, en savant aussi qu'aujourd'hui les artistes coûtent de plus en plus cher. Je me rappelle, il y a quelques années, à la fête de la Saint-Jean, les artistes, ils venaient pratiquement gratuits, ils venaient pour se faire connaître. Aujourd'hui, on est obligé de les payer. Donc, c'est encore un coût supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Parce qu'on tape peut-être plus haut, c'est oui, c'est pas voilà. Normal, mais... Parce que justement, les radios au Portugal, quand elles font des grandes fêtes comme nous, on a fait ce week-end, même plus grandes, les artistes vont gratuitement pour se faire connaître. Ici, nous, on paye l'avion, l'hôtel, le taxi, à manger, à boire et à cacher. Et leur cacher. Vous rendez compte un peu de l'argent qui part en l'air, on va dire, parce que ces gens-là, ils viennent faire en plus de la promo. Parce que nos radios, eh ben, on continue à faire de la promo pour tous les artistes. C'est notre devoir aussi, c'est à ça qu'elle sert la radio. Mais il y a un cachet aussi. C'est pour ça, donc nous, voilà, on fait appel à tout le monde, aux même sponsors, si, aux si adhérents. Qui viennent pratiquement gratuits, il y en a. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Des jeunes. Pas non plus. Oui, y en a... qu'on jette la pierre à tout le monde. Non, il y a quelques. Voilà, surtout ceux qui débutent, voilà, qui veulent se faire connaître. Ils viennent pour se faire. Ils demandent à venir aussi. Il y en a qui demandent à venir pour se faire connaître, voilà. Et il y en a quelques-uns, tout le monde a son nom en tête, qui a débuté pratiquement chez nous. Et aujourd'hui, on a Lucenzo. Voilà, il a. Si je me trompe pas, il a commencé à une fête de Saint-Jean, un truc comme ça, ou en salle, je me souviens plus, mais il a commencé. Il était pas trop connu. La première fois, il est venu avec son groupe de Bordeaux, je crois. Voilà. Et donc, puis après, il est venu en solo à la Saint-Jean. Après, il a fait un bal. Il est venu ici dans la salle. Quand vous avez besoin de revoir la petite mémoire de Radio Arc-en-Ciel, vous appelez Lionel et la mémoire de Radio Arc-en-Ciel. Ouais, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis. C'est un pilier de la radio. C'est le pilier. C'est vrai, lui. Puis il y en a d'autres, bien sûr. Donc voilà, on va terminer parce que bon, il y a Victor qui est déjà arrivé, qui est en train de préparer son émission. Donc on va y laisser place. Donc moi, je tiens à remercier tous nos auditeurs qui nous ont écoutés. Remercie encore une fois tous nos bénévoles, tous les gens qui sont venus, qui se sont déplacés pour la fête. Encore une fois, merci. On espère vous revoir parce que la radio ne s'arrête pas que à cette fête-là. Il y a aussi encore en mois de novembre, en février. Le premier week-end de novembre, on fait un grand bal qui est à la salle Montition. On communiquera prochainement l'artiste qui viendra. Après, on a en février. Autour du 14 février, autour de la Saint-Valentin. Voilà. Et on a aussi vers autour du 20 et quelques avril. Autour des œillets. Voilà. Donc voilà nos quatre événements dans l'année. Et voilà, on demande beaucoup de sponsors pour éviter que ça soit toujours les mêmes. Alors pour la Saint-Jean, on demande tout le monde. Tous ceux qui veulent partir. Plus on aura de sponsors, plus on pourra faire une grande fête. Ça, je peux et vous plus dire. Plus on améliore la qualité du parc. Voilà. Et on améliorera la qualité. On recevra mieux les gens. Pour nos balles, si on avait beaucoup de sponsors, on les mettrait pas tous, on en mettrait un peu à chaque balle, quoi. Justement, pour pas que ça servirait au choix. Voilà. De l'artiste. Qu'on n'ait pas toujours demandé au même. Donc je vous demande encore une fois, aidez-nous. Et peut-être donner le numéro du bureau. Tout à fait, nous. C'est, parce que s'ils appellent les animateurs qui sont pas au courant. Non, nous avons un portable. Actuellement est en ligne. Nous avons le 06 79 08 42 05. auquel vous pouvez l'appeler. Vous pouvez aussi envoyer un mail arc-en-ciel.iota@gmail.fr et vous avez aussi le numéro de téléphone de administratif où il y a notre secrétaire qui pourra vous répondre, vous expliquer tout cela au 02 38 43 50 09. Voilà. Donc moi, pour ma part, je vais vous laisser avec Victor. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, pareil, à 17h, à 19h. Et encore une fois, merci pour nous écouter. Moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche matin. Ah oui, Lionel sera là. Et voilà, Christine sera là samedi matin. Demain matin. Oui, demain matin. Et Lionel, dimanche matin. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end et à vendredi prochain. Et on finit aussi avec David Garcia, qui était là aussi le dimanche. Donc, on écoute David Garcia, Noite do Amor. De amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Estavas tão linda lá naquele baile. Eu fui-te buscar para ir dançar. Bem encostadinhos eu não resisti. Então te pedi para te beijar. Com teu rosto lindo tu para mim olhaste. Eu fiquei tão louco, parei de dançar. Sem nada dizer teus lábios se abriram. O tempo parou ao te beijar. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Acabou a dança sem me perceber. Tu continuavas agarrada a mim. Com teu rosto risonho dizias baixinho: é a primeira vez que beijei assim. No fim desse baile foi uma loucura. Ela e eu sozinhos fomos passear. No silêncio da noite ouvi uma voz: eu sou toda tua, volta-me a beijar. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Pensar no beijo que demos com tanta ternura. Presos um ao outro nos laços de amor. Dá para imaginar aquela aventura. Sentiste prazer ao te acariciar. Eu aquele baile não vou mais esquecer. Desse beijo meio dado a dançar. Hoje ao recordar só nos faz sofrer. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Noite de amor, meu bem, noite de amor.